إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de la, du dars aujourd'hui c'est al-hubbu fillah ou hukm al-hubbu fillah wal-bughd fillah, c'est-à-dire le fait de s'aimer à Allah subhanahu wa ta'ala et de se détester à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est encore une fois une conférence du Cheikh Saleh al-Fawzan, et le Cheikh il commence en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فموضوع هذه المحاضرة هو من موضوعات العقيدة المهمة التي قد يغفل عنها كثير من الناس ألا وهو موضوع الولاء والبراء وبعبارة أخرى موضوع المحبة في الله والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. Donc le Cheikh explique qu'il dit loin à Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur des mondes et al-aqibatu lil-muttaqin, c'est-à-dire la bonne conclusion appartient aux muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, c'est-à-dire ceux qui font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne et qui s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de faire, et paix et salut sur le meilleur de sa création, le dernier des messagers, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles et sur ses compagnons et sur ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il dit le sujet de cette conférence, c'est un des plus grands ou un des plus importants parmi les sujets de la aqida, de la croyance. Et c'est un sujet que beaucoup de gens, ils ne donnent pas beaucoup d'importance, ou parfois ils sont indifférents ou insouciants face à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, et c'est al-wala ou al-bara. Et on peut l'exprimer d'une autre façon en disant que c'est le fait d'avoir de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens, et d'avoir de la haine à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire aimer pour Allah et détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le câble le plus solide de la foi, comme c'est mentionné dans un des hadiths. Awsaqu'ura al-iman. Le Cheikh il explique, il dit « فَمَا مَعْنَا الْوَلَاء وَمَا هِيَا عَلَامَتُهُ وَكَيْفَ نَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ اتِّخَاذِ عَدُوِّهِ وَعَدُوِّنَا أَوْلِيَاءُ وهل تكون المحبة والبغض من أجل أمور الدنيا؟ وكيف تكون البدع مبغضة عند الله ورسوله؟ هذه وغيرها أسئلة نجيب عليها في هذه المحاضرة، نرجو أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تعالى وأن ينفعنا به وأن ينفع به المسلمين آمين. Donc le Cheikh il dit qu'est-ce que ça signifie le mot al-wala, quels sont les signes de cette wala, et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de prendre ses ennemis et nos ennemis pour alliés. Et également le Cheikh il dit, et comment également les bid'ah sont-elles détestables pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son messager, et beaucoup d'autres questions également qui seront répondues dans cette conférence. Et on espère que cette action qu'on fait aujourd'hui soit purement et uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce soit quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes et pour les musulmans en général. Amin. Donc, le cheikh dit premièrement, awwalan, al-mahabbatu fillah, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, l'amour dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. معنى الولاء الولاء والبراء من موضوعات العقيدة المهمة ومعناها المحبة في الله والبغض في الله فالولاء مأخوذ من ولي الشيء إذا قرب منه والمراد به التقارب بين المؤمنين بقلوبهم وتحابهم في الله وتناصرهم وتعاضدهم لله عز وجل كما قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالولاء معناه القرب والتقارب بين أهل الإيمان بقلوبهم وهذا هو أصل الولاء حتى وإن تباعدت الأبدان. Donc le cheikh explique que le mot al-wala, al-wala, qu'est-ce qu'on le traduit souvent par le fait de, yani, c'est-à-dire d'aimer ou d'être rapproché ou de prendre pour allié. Donc tout ça sont des significations du terme al-wala. Et donc le cheikh dit que quand on parle de al-wala ou al-bara, on parle d'un des sujets de la aqida qui sont les plus importants dans l'islam. Al-wala ou al-bara, ça fait partie de l'application de qu'est-ce qu'on a compris par rapport à notre aqidah, une fois qu'on l'a compris comme il faut, une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est le shirk, qu'est-ce que c'est la sunna, et bien par la suite maintenant, parmi les signes de cette foi-là, parmi les signes qu'on a la foi et qu'on a la compréhension de ces principes-là, de notre aqidah, et bien on va voir apparaître justement cet amour pour ceux qui partagent avec nous cette aqidah. Et on va voir en nous apparaître également une haine, le fait qu'on déteste ceux qui s'opposent à cette aqidah également. Et ça c'est quelque chose de naturel. Et ça c'est quelque chose qui vient avec la foi naturellement, parce que c'est un des fruits de la foi. C'est un des fruits de la foi et c'est un des fondements même de la foi aussi. Et on va voir de quelle façon ça s'exprime. Le cheikh il dit donc que quand on parle d'al-wala wal-bara, on parle d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-wala, ça vient de waliya, waliya shay. Et quand on dit waliya shay, ça veut dire quelque chose qui est proche, qui est rapproché de toi, ou de quelque chose quelconque. Et là, on parle d'être rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et al-wala entre les croyants, c'est que les croyants soient proches les uns des autres, et qu'ils s'aiment, et qu'ils soient les alliés des uns des autres, dans le sens que il y ait de l'amour entre les musulmans et qu'ils s'aiment dans leur cœur, ils ont de l'amour les uns pour les autres et ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils se rapprochent de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ils se viennent les uns les autres en aide dans la foi et dans ce qui a rapport avec la vérité. Et ils se supportent les uns et les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la signification de cette parole quand on dit al-wala. Et il mentionne le verset 92 dans surat al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et cette umma, votre umma est une umma unique, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. » Et il dit ensuite des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith qui dit « L'exemple des musulmans dans leur amour, dans leur miséricorde, dans leur affection les uns pour les autres, c'est comparable à un seul corps. Lorsque une partie du corps souffre ou a un problème, eh bien tout le reste du corps a ressent la fièvre et la douleur, etc. Donc, c'est l'exemple des croyants. Lorsque les croyants ressentent de la souffrance ou des problèmes, eh bien, c'est tous les musulmans qui devraient ressentir également cette souffrance-là et ces problèmes-là. Et il mentionne également un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les musulmans par rapport à un autre, le croyant par rapport à un autre croyant, c'est comparable à une construction qui se supporte hein, les uns les autres. Chaque brique, elle retient l'autre brique. Et donc le croyant, il a cette attitude-là par rapport à son frère, il le supporte et il l'aide. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il a croisé ses doigts ensemble, pour montrer l'exemple de à quel point les croyants doivent être forts et rattachés entre eux et se tenir serrés les uns avec les autres. Et il a mentionné aussi une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça c'est des exemples de la signification de al-wala, du fait que les croyants ils doivent aimer et supporter leurs frères et les aimer dans la vérité et dans l'islam. Donc c'est d'être prêt et de se rapprocher des gens de la foi par leur cœur. Okay? Et ça c'est la base de Al-Wala. Même si on n'est pas, on parle de, bien entendu, d'être ensemble par nos cœurs. C'est-à-dire que même si physiquement on n'est pas réunis, et on n'est pas ensemble physiquement au même endroit, dans la même place, mais même si moi, par exemple, je suis ici avec vous aujourd'hui, mais quand je retournerai au Canada, Inch'Allah, on va quand même garder cet amour en Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a les uns pour les autres, et on va quand même se supporter les uns les autres par notre cœur, par l'amour qu'on a les uns pour les autres dans le cœur. Et s'il m'arrive quelque chose là-bas, ou s'il vous arrive quelque chose ici, je vais me sentir affecté et touché, même si on est séparé physiquement. Donc ça, c'est ça que le cheikh veut dire par rapport à le fait qu'on s'aime et on se supporte et on est les uns avec les autres par notre cœur, et non pas nécessairement physiquement, puisque ça peut dépasser la limite du fait qu'on se supporte physiquement. Et aussi, pour faire comprendre ça un peu plus clairement, c'est que quelqu'un peut t'aider physiquement, alors que dans son cœur, il est contre toi. Et il n'est pas d'accord avec toi, dans les fondements de la foi, ou dans les fondements de l'islam. Donc, on parle vraiment de al-wala qui est basé par rapport à qu'est-ce qui est dans le cœur entre les croyants. Donc, le cheikh, il dit ensuite, فَالْمُؤْمِنُونَ يَتَحَابُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وإن تباعدت ديارهم ونأت أقطارهم حتى مع فارق الزمن فأول المؤمنين وآخر المؤمنين في هذه الحياة يحب بعضهم بعضا وربنا يقول تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالإيمان يربط بين المؤمنين أولهم وآخرهم إلى أن تقوم الساعة ويربط بين المؤمنين شرقيهم وغربيهم في بقاع الأرض أينما كانوا لأنهم إخوة ولأنهم أمة واحدة ولأنهم جسد واحد ولأنهم بنيان يشد بعضه بعضا. Donc le cheikh il explique que les croyants donc ils doivent s'aimer les uns les autres peu importe où ils sont sur la terre, même s'ils sont éloignés à l'est ou à l'ouest, hein, et même si leurs demeures sont très éloignées, et leur contrée, l'endroit où ils vivent, ils sont très éloignés les uns des autres, hein, ils doivent se considérer comme étant des frères et s'aimer les uns les autres et se supporter, et même avec la différence d'époque aussi. C'est-à-dire que les premiers croyants, ils doivent, et ils sont des alliés, et ils aiment et ils supportent les derniers et les derniers aiment et supportent les premiers dans le sens qu'ils ont la même aqidah et qu'ils croient en cette aqidah-là et qu'ils s'aiment en cette aqidah-là. Et la preuve c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans surat al-Hashr, verset 10, que Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que les croyants qui viennent par la suite, ils font la dua et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les croyants qui ont précédé dans la foi. Et donc ça c'est un signe que malgré qu'on est séparés, nous-mêmes aujourd'hui on n'est plus à l'époque des Sahaba et des Tabi'in et de ceux qui ont vécu avec eux, mais dans notre cœur on a quand même de l'amour pour les premiers croyants et on les supporte et on les aime et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour eux et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever la rancune qu'il pourrait y avoir dans notre cœur pour les croyants. Donc tout ça, ça fait partie des exemples de al-wala pour Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre des gens pour alliés et de les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur aqidah. Et donc la foi, c'est ça ce qui réunit entre les croyants, les premiers et les derniers, jusqu'au jour de la résurrection, et qui réunit entre les croyants, qu'ils soient de l'Orient ou de l'Occident, ou de n'importe quel endroit sur terre où ils peuvent vivre, ils sont tous des frères, ils sont tous une seule umma, ils sont tous un seul corps, et une seule construction, c'est-à-dire bunyanun wahid, et ils se supportent les uns les autres. Et après le Cheikh dit, « هذه صفة المؤمنين التي وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفهم الله سبحانه وتعالى بها في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة صفة المؤمنين المخالفة لصفة المنافقين بأن بعضهم أولياء بعض من الولاية من الولاية بفتح الواو وهي المحبة والمناصرة واجتماع الكلمة. Donc le Cheikh explique dans ce verset, le Cheikh ensuite il explique dans ce verset les caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des vrais croyants et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le verset 71 dans sourate Tawbah. Il a dit que les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres et ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal et ils établissent la salat et ils donnent la zakat et ils obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là sont ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala va faire miséricorde. Allah est certes tout puissant et sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie dans ce verset que les caractéristiques des croyants sont le contraire des caractéristiques des hypocrites et des munafiqoun. Parce que dans l'autre verset, qui est par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les munafiqoun et il dit qu'ils interdisent le bien et ils ordonnent le mal, hein, et qu'ils sont les uns des autres. Donc les croyants, eux, c'est le contraire. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et ils font qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire. Et donc, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le fait qu'ils se prennent les uns des alliés des autres. Ils sont les uns les alliés des autres, et ça vient de al-walaya, c'est-à-dire le fait qu'ils s'aiment, qu'ils se supportent, ils se viennent en aide les uns les autres, et ils sont réunis sur une seule et même parole. وَعَلَامَاتُ الْوَلَىٰ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Quels sont les signes par lesquels on peut reconnaître qu'il y a justement cet amour et ce rapprochement entre les croyants. من علامات المحبة ومن مقتضيات المحبة التزاور. التزاور في الله بين المتحابين. فهذا من علامات المحبة. وفي الحديث الصحيح إن رجلا ممن كان قبلنا زار أخا له في الله في قرية أخرى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنه فأرصد الله له على مدرجته يعني على طريقه ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال له أي الملك؟ قال له فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Donc ça c'est le premier des signes, parmi les signes que les croyants ils s'aiment à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils se visitent les uns les autres. Et le Cheikh il mentionne justement un hadith qui est authentique à ce sujet-là. Il dit qu'il y a un homme parmi les gens qui vivaient avant les musulmans, avant, c'est-à-dire avant l'islam, avant l'islam, qui allait visiter un de ses frères dans un autre village, c'est-à-dire un autre croyant, il allait lui rendre visite, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu yani le mettre à l'épreuve et le tester pendant qu'il était sur son chemin. Alors il lui a envoyé un ange sur son chemin pour lui poser quelques questions. Et l'ange a demandé à cet homme, où est-ce que tu t'en vas? Et il a répondu, je m'en vais visiter un de mes frères dans ce village. Et il lui a demandé, l'ange lui a demandé, est-ce que tu as une grâce quelconque ou quelque chose que tu t'en vas chercher, un intérêt matériel que tu t'en vas chercher sur cette personne, oui ou non? Et la personne a répondu, non, j'ai rien. Sauf que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'aime cette personne-là dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qui amène le plaisir et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'aime pour Allah. Donc, l'ange a répondu, il a dit, sache que moi je suis le messager d'Allah vers toi. Et il m'a envoyé pour te dire que il t'aime comme toi tu l'as aimé en moi. Il t'aime comme toi tu l'as aimé dans ce qui amène son agrément. Donc ça c'est un exemple des signes que les croyants ils s'aiment les uns les autres. Al-Julus ma'al mu'minin, ça c'est le deuxième signe que les croyants ils s'aiment et qu'ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min alamat, ils s'assoient ensemble avec les croyants s'assoient ensemble et il dit le Cheikh wa min alamat al-mahabba al-Julus ma'al mu'minin wa hudur jama'at al-muslimin li'annahum jama'a wahida. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Un des signes qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils se supportent les uns les autres, c'est qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils se réunissent ensemble. Les croyants, les croyants donc, ils participent à leur réunion lorsqu'ils se rassemblent parce qu'ils sont une seule jama'a. Donc ils prient en jama'a. Et lorsqu'il y a le Jumu'ah, ils vont au Jumu'ah. Et lorsqu'il y a un mariage, ils sont invités, ils vont. Et lorsqu'il y a une occasion quelconque, ils se réunissent avec les croyants parce qu'ils aiment les croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et endure, reste endurant avec les gens qui invoquent leur Seigneur yani, durant la journée, l'avant-midi et le soir et qui tournent et qui ne veulent que son visage, qui ne cherchent que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sois patient et endure avec eux. Et il mentionne également un autre point qui distingue les croyants et qui fait que ces gens-là, yani, ils ont de l'amour les uns pour les autres, c'est qu'ils s'ordonnent le bien et qu'ils s'interdisent le mal. Le Cheikh il dit, فمن مقتضيات هذه المحبة كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسلم يأمر أخاه بالمعروف وهو فعل كل خير وطاعة لأن في ذلك النفع عاجلا وآجلا. كما ينهاه عن المنكر وهو كل معصية ومخالفة لأن في ذلك ضررا له عاجلا وآجلا. قال تعالى في وصف المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذه من علامات الإيمان والمحبة لله. Donc le Cheikh il dit qu'il s'ordonne le bien et il s'interdit le mal. Par exemple, le Cheikh il dit que le musulman il va ordonner à son frère le bien. Lorsque il le voit, il va lui ordonner de faire le bien. Et ça c'est tout ce qui est bon et tout ce qui est obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il va lui interdire le mal. Il va lui ordonner le bien parce que c'est quelque chose de bon pour lui. Et que ça va lui amener un bien dans cette vie. Soit dans cette vie ou dans l'autre. Comme il va lui interdire également le mal, c'est-à-dire tout péché ou opposition ou contradiction avec la foi, parce que ça lui amène quelque chose de mal. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les croyants, ils s'aiment, mais ils s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui amène l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les gens, il y a d'autres personnes, autres que les croyants, eux, ils s'aiment pour autre chose que ça. Ils s'aiment même dans le haram, ils s'aiment même dans le kufr, ils s'aiment dans le shirk, ils s'aiment dans le péché, ils s'aiment dans tout ce qui est contraire à l'islam. Et donc, ça, c'est le contraire de al-wala. C'est le contraire de al-wala. Parce que les gens, ils s'aiment quand il s'aime pour Allah, ça veut dire qu'il s'encourage dans le bien et qu'il s'aime pour qu'est-ce qui amène le bien et qu'est-ce qui plaît à Allah. C'est ça que ça signifie de s'aimer à Allah, de s'aimer dans qu'est-ce qui fait plaisir à Allah et dans qu'est-ce que Allah aime, et de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc c'est ce que ça signifie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit, comme on a lu tout à l'heure dans le verset dans sourate Tawbah, que les croyants, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, et qu'ils établissent la salat, et qu'ils donnent la zakat, et qu'ils obéissent à Allah et à son messager. Et donc ça fait partie de ces signes-là. Maintenant, comme deuxième point, on va expliquer maintenant l'autre aspect, c'est-à-dire al-bughdu fillahi wa alamatuhu, c'est-à-dire le fait qu'on se déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala et les signes de cette haine entre les gens lorsque les gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi nous ordonne d'aimer le bien et d'aimer ceux qui font le bien, d'aimer le tawhid et ceux qui sont sur le tawhid, d'aimer la foi et ceux qui sont sur la foi, et de détester le kufr et le shirk et ceux qui font le kufr et le shirk, et de détester qu'est-ce qui est haram et de détester ceux qui font le haram aussi. Bon, bien entendu, si ce sont des mu'minines, on les aime pour leur foi, parce que ce sont des mu'minines, parce qu'ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et parce qu'ils font pas de shirk et parce qu'ils font pas de kufr. Donc ce sont des mu'minines et on doit les aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on va les aimer selon le degré de foi et selon le degré de pratique qu'on voit sur eux. Plus on voit que c'est des gens qui font des efforts pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour suivre le Coran, pour suivre la sunna, pour établir le tawhid, pour suivre la sunna, plus on va les aimer. Et si on voit de leur part des contradictions avec l'islam, soit que par exemple ils vont faire quelques péchés ou désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien dans ce cas-là, on aura en même temps une haine de ce qu'ils font, et notre amour pour eux va diminuer, étant donné que leur attachement à l'islam et à la sunna est moins grand que pour d'autres. D'accord? Et donc c'est pour ça que la question de al-wala ou al-bara, c'est une question aussi qui est reliée à, bien entendu, la foi et l'application de la foi. Plus quelqu'un se rapproche d'Allah et fait des efforts, plus on l'aime parmi les musulmans, et plus il s'éloigne de l'islam, et plus il désobéit à Allah, plus notre amour diminue en même temps pour cette personne-là. Et donc, en ce qui concerne les kuffars, toutefois, on doit les détester. On doit les détester à cause de leur kufr, à cause de leur mécréance. Et le chef, il mentionne justement des signes de ça. Il dit « النهي عن موالاة اليهود والنصارى كما أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا متحابين في الله فقد نهاهم عن محبة أعدائه فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فنهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة اليهود والنصارى وذلك يشمل محبتهم في القلوب ومناصرتهم على المؤمنين والدفاع عنهم وتبرير ما هم عليه ويشمل ذلك مدحهم والإشادة بهم والإعجاب بهم كل هذا يدخل في موالاتهم فالذي يحبهم في قلبه يكون وليا لهم ويكون مواليا لهم ويكون معهم ومنهم كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Donc le cheikh explique, il dit premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être, Allah subhanahu wa ta'ala أمر المؤمنين بأن يكونوا متحابين في الله. Allah a ordonné les croyants de s'aimer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a interdit d'aimer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous interdit d'aimer ses ennemis. Et c'est logique en même temps. Hein? Parce que tu peux pas dire que tu aimes Allah si tu aimes les ennemis d'Allah en même temps. Puisque c'est une contradiction. De même que tu peux pas dire j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime le shaytan. Est-ce que tu peux dire j'aime Allah et j'aime le shaytan? Si tu aimes le shaytan, c'est la preuve que tu as un problème dans ta foi. Et que tu peux pas aimer Allah et aimer le shaytan en même temps. Et tu peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala est les alliés d'Allah et détester les et aimer en même temps les alliés du shaytan et ceux qui suivent le shaytan. Hein? Donc si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois détester le shaytan et les alliés du shaytan et ceux qui suivent le shaytan. Donc c'est dans ce sens-là. Et il mentionne un verset dans la sourate Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala certes ne guide pas les peuples injustes. » Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les peuples injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il nous interdit de prendre pour alliés les juifs et les chrétiens. Et il y a des musulmans, quand ils entendent ce verset-là, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre la signification, et en particulier parce qu'ils sont ici, dans un pays où ils vivent avec les juifs et les chrétiens, et avec les koufars, en plein milieu, en plein cœur de leur pays. Si on vivait dans un pays musulman, loin de leur pays, et qu'on était uniquement entre croyants et entre musulmans et qu'on citait ces versets-là, il y en a qui disent oui, là on comprend ce verset-là, ça signifie on doit rester loin de ces gens-là et on doit s'aimer entre nous, et etc., etc., les appeler à la foi ou autre chose de ce genre. Toutefois, quand on est en plein milieu de leur pays, est-ce que c'est bien de mentionner ce genre de verset-là? Et est-ce que c'est bien de se rappeler de ce genre de choses-là? Il y en a même parfois qui essaient de cacher justement ce verset parce qu'ils ils ont de la difficulté à le comprendre. Et moi je dis, en fait, que c'est encore plus important pour nous les musulmans, lorsqu'on vit dans un pays non musulman, entouré de chrétiens, entouré de juifs, de se rappeler de ce verset-là et de comprendre sa signification et de savoir comment l'appliquer et tout ce que ça peut impliquer, puisque justement on est directement concerné par ce genre de verset et par ce genre de sujet-là, puisqu'on risque à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, de tomber dans une forme quelconque d'alliance ou de wala envers les kuffars, envers les juifs et les chrétiens. Donc il faut bien comprendre ce verset-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans ce verset que celui d'entre nous qui les prend pour alliés, il est un des leurs. Le cheikh il dit de prendre pour les juifs et les chrétiens, de prendre les juifs et les chrétiens pour alliés, c'est quelque chose que Allah nous interdit. Et ça, ça comprend le fait de les aimer dans notre cœur. De les aimer, mais pour leur mécréance. De les aimer pour leur kufr. De les aimer pour leur shirk. De les aimer pour leur christianisme ou leur judaïsme ou pour leur laïcité ou pour leur mécréance. Si quelqu'un aime les koufars et les mouchriquins à cause de leur mécréance, et qu'il est d'accord avec leur mécréance, et qu'il les défend et qu'il les supporte pour leur religion, alors il est un des leurs. Il est un kafir et un mouchriq, puisque dans son cœur, il aime les koufars et les mouchriquins à cause de leur kufr et de leur shirk. Et ça, cette forme de wala, c'est elle qui te fait sortir de l'islam, et qui fait de toi un kafir. C'est comme si, par exemple, quelqu'un était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il dit que dans son cœur il aime les mouchriquins et il aime les idoles, hein, et qu'il est avec eux et qu'il les supporte, et qu'il aime les mouchriquins pour leur shirk. Dans ce cas-là, il est kafir, il serait kafir. Et la même chose aujourd'hui, si quelqu'un dit « moi je suis musulman, mais j'aime les chrétiens, je suis d'accord avec la croix quand ils adorent ça, et je suis d'accord avec leur pape et la religion chrétienne, et je les aime pour ça, pour ce qu'ils font », ça c'est sûr que celui-là, il est avec les koufars des mouchriquins dans son cœur, et il les aime pour la mécréance. Dans ce cas-là, il n'est pas croyant, parce que celui qui est croyant, il déteste le kufr et le shirk, et il déteste ceux qui commettent le kufr et qui commettent le shirk également, d'accord. Toutefois, il y a d'autres aspects également des interactions ou des actions qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, qui peuvent aussi faire partie d'une wala pour les koufars, mais qui ne sont pas nécessairement quelque chose qui nous fait sortir de l'islam, d'accord. Ça rentre dans quelque chose de haram, de péché, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on les aime dans notre cœur pour leur kufr ou leur shirk. Et ça aussi, c'est des choses qu'on doit comprendre, et on doit faire la distinction entre ce qui fait sortir de l'islam et ce qui ne fait pas sortir de l'islam dans les affects en rapport avec al-wala et al-bara. Comme par exemple, si des gens, par exemple, le fait de, comme Cheikh Al-Fawzan, il l'explique dans une autre de ses rasail, il explique que le fait de vivre avec les kuffar et les mouchriquins, ça c'est une forme de wala. Donc on est tous en train, nous ici, qu'on le veuille ou non, de faire une sorte de wala pour les kuffar. Sauf que c'est pas une wala, on espère que c'est pas une wala qui nous fait sortir de l'islam, puisque dans notre cœur, on aime l'islam, on aime le tawhid, et on aime la sunna, et on s'oppose au shirk, et au kufr, et au mushrikin, et on déteste le kufr et le shirk qu'ils font. Et on se désavoue de tout ce qui est contraire à l'islam. Donc ça fait en sorte que on reste des mu'minines, malgré qu'on est en plein milieu de la terre des kuffars. Et puis le fait de les imiter aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ». Si quelqu'un les imite dans la religion, dans la croyance, il commence à faire comme eux, ils adorent les idoles, ou ils adorent les croix, ou ils portent la croix dans son cou, ou bien ils s'habillent comme un prêtre, avec le même vêtement qu'eux, ils les imitent dans leur croyance et dans les choses qui sont religieuses, ou ils s'habillent comme un rabbin juif avec les couettes et le chapeau noir et tout, ils portent les mêmes vêtements que eux. Ou bien ils s'habillent comme un moine bouddhiste, qui imite les moines bouddhistes. Ou bien qui dit je suis d'accord avec leurs adorations et avec leur shirk et les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une sorte d'imitation dans les choses qui ont lien direct avec leur croyance de shirk et de kouf. Dans ce cas-là, cette imitation-là, c'est une imitation qui te fait sortir de l'islam, parce que tu les imites dans qu'est-ce qui est shirk et dans qu'est-ce qui est kufr. Et si tu les, toutefois, si tu les imites juste dans des aspects de la dunya, des choses qui sont haram, comme par exemple, tu les imites dans des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire, comme par exemple raser la barbe, ou bien, parler comme eux, manger avec la main gauche, ou bien faire d'autres choses comme ça qui sont contraires à l'islam. Dans ce cas-là, tu vas dire que tu les imites dans quelque chose qui est haram, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu sors de l'islam pour ça. Donc il faut faire la distinction entre qu'est-ce qui est une wala qui te fait sortir de la religion et une sorte de wala qui est haram, ou une sorte de wala aussi qui est, ou bien une sorte d'attitude avec le kuffar qui est permise et qui est mubah. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné par exemple, et ça c'est dans le Coran aussi, que lorsque tu as des parents qui sont des mouchriquines, ok, tu dois les obéir dans tout ce qu'ils t'ordonnent de faire, sauf s'ils t'ordonnent de faire le shirk ou de faire quelque chose de haram, tu n'as pas le droit de les obéir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. D'accord. Donc ça c'est une interaction avec les kuffars, les mouchriquines, parmi tes parents par exemple. Même si ce ne sont pas des musulmans, tu dois les obéir et leur agir bien envers eux, avoir un bon comportement avec eux, sauf s'ils t'ordonnent de faire le shirk ou de faire quelque chose de haram, tu n'as pas le droit de les obéir. De même qu'un homme a le droit dans l'islam d'épouser une femme chrétienne ou juive. Et s'il agit bien avec sa femme qui est chrétienne ou juive, ça ne veut pas dire qu'il l'a pris pour allié. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam et qu'il est devenu un des leurs. Non. Parce que ça, c'est un amour qui est naturel et c'est dans quelque chose qui est, permis. Mais s'il dit, j'aime la religion de ma femme, je suis d'accord avec sa religion de christianisme ou de judaïsme, et que ça, c'est une bonne religion, et que ce ne sont pas des kuffars, là, dans ce cas-là, il devient un des leurs, dans ce cas-là. Donc, il faut faire la distinction dans qu'est-ce qui a rapport avec les actions, et qu'est-ce qui a rapport avec les croyances, et certaines actions, si elles sont directement reliées à la croyance, dans ce cas-là, il faut prendre garde, parce que ça peut être des choses parfois qui font sortir quelqu'un de l'islam. J'ai mentionné ça juste comme exemple aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il y a certains musulmans ou certains pays musulmans qui ont des accords économiques ou des ententes politiques ou diplomatiques avec des pays non musulmans, ils pensent que ça c'est quelque chose qui les fait sortir de l'islam. Et ils commencent à faire le takfir des gouvernements et des dirigeants ou des musulmans en général en disant des choses comme ça. Et ça on le retrouve même. Et le plus étrange de ces gens-là, parmi les groupes de Hizbiyyins, que ce soit les Ikhwan ou autres, ils critiquent les États musulmans parce qu'ils disent « Ah, ceux-là, ils ont des ententes politiques ou économiques avec des pays kuffars. » Et eux-mêmes, alors qu'ils ne sont pas des gouvernements, ne sont pas des États, mais sont les premiers à prendre les kuffars pour alliés et à dire à leur sujet que ce sont nos frères en religion, ils disent « Les Juifs et les chrétiens sont nos frères. » Hein, ils refusent de dire à leur sujet que ce sont des kuffars, et ils sont les premiers à leur demander de l'aide sur toutes sortes de choses, et de leur demander de venir en aide. Moi je me souviens même au Canada, aux États-Unis, il y avait une manifestation, et ils sont allés devant la Maison Blanche pour demander l'aide des Américains ou de l'ONU aux Nations Unies pour les supporter dans un projet ou dans quelque chose. Donc, je leur ai dit, eux, ils sont les premiers à dire, mais comment ça se fait que l'Arabie Saoudite avait pris, par exemple, les Américains pour se défendre contre l'Irak? Donc ça, c'est de prendre les Américains pour alliés. Donc, ils ont dit, ça, c'est kufr. Et ils ont dit, « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ » Et après, ils vont devant la Maison Blanche et devant les Nations Unies, et puis ils disent, venez nous aider ou aider les musulmans, tel endroit dans le monde, il y a des problèmes, venez à notre aide. Il dit, comment ça se fait pour vous, c'est halal, et pour eux, vous dites que c'est des kuffars quand ils le font. Hein? Alors que c'était une aide militaire d'un pays musulman contre un gouvernement qui est un gouvernement laïque, communiste, socialiste, hein, qui rejette l'islam. Et donc, dans des situations comme ça, les ulama ont donné la fatwa à ce sujet-là, et puis ils ont expliqué que si c'était une situation de nécessité, que c'était permis. Mais pour eux, ils sont dans la même situation, ils sont même pas un État, ils sont même pas un gouvernement, ils prennent les Juifs et les chrétiens pour alliés, ils disent qu'ils sont pas des kuffars, et puis après, ils nous disent que pour eux c'est halal, et pour eux c'est correct. Hein. Et ils vont voir les kuffars et disent, on est d'accord avec vous dans la laïcité, on est d'accord avec la démocratie, on est d'accord avec vous dans la l'égalité entre l'homme et la femme, on est d'accord avec vous dans le fait qu'il n'y a pas de peine d'apostasie pour la personne qui quitte l'islam, on est d'accord avec vous sur le fait qu'il faut éliminer la lapidation, plein d'autres choses de ce genre. Et ils sont d'accord avec eux, ils sont alignés avec les kuffars dans quelque chose qui est en opposition avec les fondements de la foi et de la aqida, et là ils disent rien, et ils acceptent tout ça, et ils ne critiquent personne à ce sujet-là. Toutefois, quand c'est des questions qui ont rapport avec l'économie ou la politique, des choses qui sont moubah, qui sont permises dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des ententes avec des juifs, avec des chrétiens, il a acheté d'eux, il a vendu avec des choses aux juifs, il a acheté des choses des juifs, hein, et des choses de ce genre, il a fait des pactes et des alliances avec eux, dans ce qui est halal, et ça c'est pas des choses qui sont interdites. Dans ces choses-là, ils attaquent les pays musulmans et ils disent, vous prenez ces gens-là pour des alliés. Et ils les déclarent kuffar alors qu'ils n'ont rien fait de qu'est-ce qui rentre dans le coffre. Donc ça, c'est des exemples qu'on mentionne pour faire comprendre des fois l'égarement de certains, comment ils peuvent tomber dans des formes d'extrémisme au sujet de Al-Wala ou Al-Bara. Et donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Et donc, le cheikh, il dit, كل هذا يدخل في موالاتهم, le fait de les aimer, de les défendre contre les, de les défendre et de les supporter contre les croyants, de les aimer, et يعني, toutes ces choses-là, ça rentre dans الموالات. فالذي يحبهم في قلبه يكون واليا لهم, celui qui les aime dans son cœur, il devient un allié pour eux, et donc il est avec eux et il est un dealer dans ce cas-là. الشيخ يقول ensuite, وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Allah سبحانه وتعالى il dit, vos alliés sont uniquement Allah et son messager, et ceux qui établissent la salat et qui donnent la zakat alors qu'ils sont en position de recours. Et celui qui prend Allah subhanahu wa ta'ala pour allié et son messager, et ceux qui ont cru, alors ceux-là, c'est, ils font partie du groupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, du hizb d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui auront le dessus. Donc, aujourd'hui, c'est très important pour les musulmans de comprendre l'importance d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Mais est-ce que quelqu'un peut comprendre ce sujet dont on est en train de parler aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de comprendre sa réalité et son importance s'il n'a pas étudié le tawhid? Hein? Répondez. Non, impossible. Si quelqu'un n'a pas étudié le tawhid, c'est impossible qu'il comprenne al-wala wal-bara. Si quelqu'un n'a pas étudié l'aqidah, c'est impossible qu'il comprenne al-wala wal-bara. Hein? Parce que la mentalité des gens aujourd'hui, c'est comment? C'est quoi? La mentalité des gens aujourd'hui, c'est de dire, oui, mais la personne, elle est gentille avec moi. Hein? Lui, il est bon avec moi. C'est un bon gars. Hein? C'est un kafir, mais c'est un bon gars, Yann. Il agit bien avec moi. Et lui, c'est un musulman, mais il est comme vraiment pas correct avec moi. C'est comme ça que les gens jugent aujourd'hui. Ils ne jugent pas selon l'aqidah, selon le tawhid, selon l'ikhlas et tout. Ça, pour les gens, ça c'est secondaire, c'est pas important. C'est comme on a expliqué hier dans les dourous, ce qu'on a fait hier et avant-hier, on a expliqué que la base de l'islam, c'est le tawhid. Et que si quelqu'un a tous les aspects de l'islam, sauf qu'il n'a pas le tawhid, ça vaut rien. Hein? Donc les gens d'aujourd'hui, ils pensent le contraire. Ils pensent que si tu n'as pas le tawhid mais que tu pratiques tout l'islam, c'est ça l'important. Donc nous on explique al-wala wal-bara, ça part de cette aqidah et de ce tawhid là. Si tu l'as pas compris, tu vas rien comprendre de al-wala wal-bara. Tu vas être confus, complètement confus, mélangé là-dedans. Donc le cheikh il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhum يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Le verset 1 dans Surat al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié, vous allez vers lui avec l'affection et l'amour alors qu'ils ont mécru en Allah, ils ont mécru en ce qui est venu de la part de la vérité d'Allah. Et ils expulsent le messager ainsi que vous-même parce que vous avez cru en Allah votre Seigneur. Et si vous êtes sortis dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le djihad et pour rechercher l'agrément d'Allah, est-ce que vous allez leur témoigner d'une amour secrète alors que je sais ce que vous cachez et ce que vous exprimez ouvertement, et celui d'entre vous qui le fait alors il s'est certes égaré du droit chemin. Et ça c'est important de comprendre ce verset là parce que dans ce verset, si on regarde Sabab al-Nuzul, c'était révélé à propos d'un des Sahaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire la conquête de Mecca, lui, il avait envoyé une lettre aux gens de Quraysh pour avertir les gens de Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait attaquer et qu'il allait venir prendre Mecca. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée, puis il a envoyé Ali ibn Abi Talib et puis un autre sahabi pour arrêter la personne, la femme qui avait pris cette lettre pour l'envoyer, pour l'amener à Mecca. Et donc, en chemin, ils l'ont interceptée, et puis, ils ont ramené la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu que c'était un des sahabes qui s'appelait Hatib. Et ils ont fait venir Hatib, et ils lui ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi t'as envoyé cette lettre? Et pourquoi t'as essayé d'avertir les mouchriquins qu'on allait attaquer, hein? Est-ce que tu as fait ça parce que tu voulais aider les mouchriquins contre les musulmans? Et lui, Hatib, il a répondu, il a dit non, par Allah, je n'ai pas rejeté la foi en Allah et en son messager, j'ai fait ça parce que la plupart de tes compagnons, ils ont de la famille à Mecca qui protège leurs biens et leur famille, et moi je n'ai personne et donc j'ai voulu avoir quelqu'un qui allait protéger mes biens et ma famille à Mecca. Et je suis toujours un musulman, je ne suis pas un munafiq. Hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit vrai, il a accepté son excuse, et il a dit, Omar ibn al-Khattab a dit, oh messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, laisse-le, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, il a été témoin de la bataille de Badr, hein? Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque, celui qui a témoigné de la bataille de Badr, qui a assisté à la bataille de Badr, alors celui-là, ses péchés seront pardonnés. Hein, ses péchés sont pardonnés. Et en même temps, c'est pour faire comprendre que lorsque quelqu'un fait une action qui peut être interprétée de différentes façons, que ça peut impliquer un acte de kufr, ou ça peut impliquer autre chose, alors que dans ce cas-là, il faut demander la question à la personne, pour quel motif ou pour quelle raison elle a fait cette action-là, et puis que si on vérifie par la suite, avec les indices et les preuves, que cette personne-là n'avait pas l'intention de faire quelque chose qui est kufr, alors dans ce cas-là, il faut l'accepter de cette personne, et il ne faut pas se précipiter à dire que cette personne-là est un kafir. Et donc c'est un exemple à ce sujet-là. Si vous voulez avoir les détails à ce sujet-là, vous pouvez retourner au tafsir, justement, de ce verset dans surat al-Mumtahana, pour voir les détails à ce sujet. Ensuite, le cheikh il dit « An-nahy an muwalati a'da'illah walau kanu aqrab qarib » Aqrab al-aqarib. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فالمؤمن يبغض عدو الله لأنه ولي لله أو ولي الله فيبغض عدو الله وإن كان أقرب الناس إليه ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبرأ من أبيه ليكون لنا قدوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Le chef il mentionne ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de prendre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour alliés. Même si ce sont les plus proches parents de notre, dans notre famille, on ne doit pas les prendre pour alliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22, dans surat al-Mujadala, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils étaient leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu. Donc ça c'est des versets qui mentionnent ce qu'on a dit depuis le début et qui clarifient que non seulement tu ne dois pas aimer les koufars, mais même si ces koufars là sont de ta propre famille, tu ne dois pas les aimer. Tu ne dois pas les aimer et que si tu les aimes à cause de leur mécréance et pour leur mécréance, dans ce cas-là tu seras un kafir comme eux. Hein? Et bien entendu, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les proches de notre famille, nos parents et tout ça, si on a de l'amour pour notre père ou pour notre mère, qui sont des mouchriquins ou des koufars, eh bien cet amour-là, c'est pas un amour qui est blâmable, puisque c'est un amour naturel, hein, et c'est pas un amour qui est basé sur la foi ou l'adoration. Tandis que si on les aime à cause de leur religion, à cause de leur shirk, à cause de leur kufr, ça c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose qui vient en opposition avec la religion. D'accord? Il faut distinguer entre ces deux choses-là, et ça ne nous empêche pas le fait qu'on les déteste dans leur foi et dans leur religion, parce qu'ils adorent autre qu'Allah, parce qu'ils désobéissent au messager. Ça n'empêche pas qu'on doit avoir un respect pour eux, dans le sens qu'on va, les respecter, on va agir bien avec eux, on va bien les traiter, on va les obéir dans le bien, mais on ne va pas les aimer dans leur shirk et dans leur religion. On va les détester pour ça. Et le cheikh il mentionne aussi que donc le croyant il n'aime pas et il doit détester les ennemis d'Allah, il n'aime pas les ennemis d'Allah, même s'ils sont les plus proches parents. Et il y en a justement qui disent non, ça s'applique seulement à ceux qui par exemple ont fait la guerre aux musulmans. Et il y en a parmi les gens de bid'a aujourd'hui, ils disent non, il ne faut pas détester les koufars. En général, il faut juste détester les koufars qui sont en guerre avec les musulmans, ou bien il faut juste détester les koufars qui, par exemple, s'opposent à l'islam. Et les autres koufars, eux, il ne faut pas les détester. Il y en a d'autres même qui disent pire que ça, qui disent il ne faut pas dire que ceux qui ne croient pas en l'islam sont des koufars, excepté s'ils s'opposent à l'islam après l'avoir connu. Et ça, bien entendu, c'est faux. Parce que même s'ils n'ont pas connu l'islam, et qu'ils ne sont pas musulmans, qu'ils n'ont pas dit la ilaha illallah, ils sont des koufars, même s'ils sont ignorants. Le fait qu'ils soient ignorants, ça ne fait pas d'eux autre chose que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des kuffars parce qu'ils sont ignorants de l'islam. D'accord? Et donc par rapport à ça, il mentionne un verset dans Surat al-Mumtahana dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يردوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui, parmi les kuffars, ne vous ont pas combattu et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah certes aime les justes. Donc, il mentionne ce verset-là, puis ils disent, ça c'est la preuve que on n'a pas à détester les kuffars qui ne nous ont pas combattus et qui ne nous ont pas expulsés de nos demeures. Et la réponse à ça, c'est, comme le Cheikh Al-Fawzan il dit, puis d'autres ulama l'ont expliqué aussi, c'est que Allah il nous dit uniquement dans ce verset-là qu'on doit être juste et on doit être bon envers eux. Mais il ne nous dit pas qu'on doit les aimer. Hein, et donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair. Les seuls qu'on a le droit d'aimer, c'est les mu'minis. Et les kuffars, on n'a pas le droit de les aimer, même s'ils ne nous ont pas déclaré la guerre, même s'ils ne nous ont pas combattus, parce que ce sont des kuffars, et ils sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit être juste avec eux, on doit être bon avec eux, et on doit agir avec eux comme ils agissent avec nous, ok? Mais pas d'avoir l'amour pour eux, c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme par exemple les kuffars, ils sont en catégorie, c'est pas tous les kuffars qui sont d'une seule et même catégorie dans un même bloc. Il y a parmi les kuffars ceux qui sont des mu'ahadoun, ceux qui ont une entente et un pacte avec les musulmans. Il y a les musta'manoun, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans les pays musulmans et qui rentrent avec un visa ou qui sont en paix, protégés dans leurs biens et dans leurs personnes. Les mu'ahadoun, ceux qui font partie d'un pays, qui sont en paix avec les pays musulmans. Ceux-là sont protégés aussi. Et les musta'manoun, la même chose. Ahl-Dhimma, ce sont les kuffars qui vivent dans les pays musulmans et qui respectent les conditions et les règles des musulmans, à l'intérieur des pays musulmans. Et donc tout cela, c'est des kuffars, sauf que on n'a pas le droit de les agresser, on doit être bon envers eux, on doit agir bien avec eux, comme eux ils agissent avec nous. Et ça ne veut pas dire qu'on les prend pour alliés. Hein. On n'a pas le droit de les tuer, de prendre leurs biens, de faire des attentats contre eux comme les Khawarij font maintenant actuellement. Tout ça c'est des choses qui sont contraires à l'islam, qu'est-ce que ces gens-là font. Mais c'est important bien de bien distinguer entre les différentes catégories de kuffars. Puis il y a les kuffars qui font partie des Harbiyoun, c'est-à-dire ceux qui ont déclaré la guerre aux musulmans, c'était le chef de leur pays a déclaré la guerre aux pays musulmans, puis il y a une guerre qui se passe entre les deux. Ça c'est une autre catégorie, et puis c'est pas une catégorie à laquelle ça s'applique pas à nous cette catégorie-là aujourd'hui. Et donc c'est pour ça de bien distinguer entre ces différents groupes-là de kuffars, pour ne pas tomber dans des exemples d'extrémistes d'un extrême ou de l'autre, c'est-à-dire de ceux qui par exemple disent on aime les kuffars et les mouchriquins et ce sont nos frères, comme certains le prétendent parmi les prêcheurs islamiques aujourd'hui, et l'autre extrême de ceux qui disent non, il faut tous les tuer, ce sont tous des kuffars et puis on n'a aucune rahma, aucun bien envers eux, aucune justice, quoi que ce soit. Donc ça c'est les deux extrêmes, et le musulman lui il doit se tenir dans le juste milieu, dans les règles du Coran et de la Sunna au sujet de ces gens-là. Et puis le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné pour les musulmans un exemple dans l'attitude de Ibrahim alayhi salam, comment le croyant il agit envers les kuffars. Et Ibrahim il faisait partie d'un peuple qui adorait les idoles à son époque, son père même faisait partie de ces gens-là, et Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a certes un bon exemple à suivre pour vous dans Abraham et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم, nous nous désavouons de vous, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. كَفَرْنَا بِكُمْ nous vous renions. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا et l'animosité et la haine est apparue entre nous pour toujours jusqu'à ce que vous croyez en Allah. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا jusqu'à ce que vous croyez en Allah lui seul. Donc ça c'est l'attitude des croyants, et ils disaient pas ça à un peuple étranger qui fait partie d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre ethnie. Ils parlent à son propre peuple, à son propre père, à ses proches, à ses oncles, à ses tantes, à sa famille, hein, et ils leur parlent de cette manière-là. Donc si c'est l'attitude qu'un croyant doit avoir envers sa propre famille, si ce sont des koufars et des mouchriquins, alors que dire de celui qui fait partie d'un peuple et qui a affaire à un peuple étranger parmi les koufars et les mouchriquins. Donc, ça c'est un point. Et après, le cheikh, il mentionne un autre verset qui mentionne « وَمَا كَانَ لِلنَّبِي مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الشيخ il mentionne le verset 113 et 114 dans sourate At-Tawba, dans lequel Allah SWT dit qu'il n'appartient pas aux croyants, aux prophètes et aux croyants de demander pardon pour les mouchriquins lorsqu'ils sont morts, une fois que ça a été clair, hein, même si ce sont des proches, une fois que ça a été clarifié que ce sont des gens de l'enfer. Et le pardon que Ibrahim avait demandé à Allah pour son père, c'était juste à cause d'une promesse que Ibrahim avait faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que ça a été clair que c'était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Donc, si vous allez arrêter pour faire l'adhan, ok, inshallah. Donc, quand ça a été clair que c'était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Pourquoi il mentionne ça ici? Parce que dans le verset 4, dans Sourate Al-Mumtahana, quand on a vu l'attitude d'Ibrahim envers son peuple, il dit à la fin, « Illa qawlu Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, wa ma amliku lak min Allah min shay. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un bon exemple à suivre pour vous dans l'exemple d'Abraham lorsqu'il a dit ce qu'il a dit à son peuple. Accepter la parole d'Ibrahim quand il a dit à son père, je vais demander pardon pour toi. Donc il y a un bon exemple dans ce qu'il a dit à son peuple, mais pas dans cette parole-là, de demander pardon pour son père, parce que il n'est pas permis aux croyants de demander pardon pour les mouchriquins une fois qu'ils sont koufars, une fois qu'ils sont morts koufars. Mais s'ils sont koufars, tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider tes parents, de leur montrer le droit chemin et de les amener à l'islam. Mais une fois qu'ils sont morts dans le coffre, tu dois pas dans ce cas-là demander pardon pour eux ou chercher la miséricorde pour eux. Wa dhakara fi surati Maryam anna Ibrahim alayhi salam lamma da'a abahu ila at-tawhid wa tarki ibadati al-asnam wa ra'a annahu musir ala al-kufr على الكفر في الله وعبادة الأصنام وأنه لم يقبل دعوة إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي اعتزلهم واعتزل ما يعبدونه من الأصنام وهكذا يكون أهل الإيمان وهكذا يكون أهل التوحيد ولاء في الله مع المؤمنين ولو كانوا بعيدين عنا في النسب أو في المكان أو في الزمان فالمؤمنون إخوة تربطهم أخوة أخوة الإيمان وأخوة في الله دائما وأبدا وهذه هذه هي العقيدة. الشيخ المعصوم في سورة إبراهيم في سورة مريم إلى éviter son père à la foi et à l'islam, et au tawhid, et à l'abandon de l'adoration des idoles. Quand il a vu que son père était persistant à continuer à rejeter la foi en Allah, et il continuait à adorer les idoles, et que le père d'Ibrahim n'a pas accepté la da'wah, alors il a dit, et je vais m'écarter de vous, et m'écarter de ce que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais invoquer mon Seigneur. Et donc, il s'est écarté de son peuple et de leurs idoles et de tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et c'est ainsi que le croyant doit agir. Lorsqu'il voit qu'il vit parmi un peuple de gens qui rejettent la foi en Allah et qui ne veut pas accepter la foi et la vérité et l'adoration d'Allah seul, eh bien, il se détache d'eux, il s'éloigne d'eux et il s'en va vivre avec les mu'minines. Et donc, le croyant, il s'éloigne des kuffars et il s'approche des croyants, même si les croyants sont loin de lui dans les, ils n'ont aucun lien de parenté avec eux. Même s'ils sont dans un endroit éloigné ou dans, et le cheikh dit même dans une autre époque, les croyants ils sont alliés les uns des autres et il y a un lien entre eux qui les relie et c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala qui dure pour toujours, et parce qu'elle est basée sur une aqida, sur une foi. وَالْمُؤْمِنُ عَدُوٌ لِلْكَافِرِ لِأَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ. Donc, par rapport à ce que le Cheikh explique ici, c'est important de comprendre que notre amour en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un amour par rapport à notre foi, et par rapport à notre croyance, et par rapport au tawhid. Et non par rapport à une langue, non par rapport à une ethnie, non par rapport à un pays, une origine, une nationalité, une couleur. Tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec notre amour les uns pour les autres. La seule chose sur laquelle on se base pour dire qu'on est des alliés les uns des autres et pour dire qu'on s'aime les uns les autres, c'est notre aqida en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour les kuffars, lorsqu'on dit qu'on les déteste, on les déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on ne les déteste pas par rapport à leur couleur, on ne les déteste pas par rapport à leur langue, on ne les déteste pas par rapport à leur ethnie, on ne les déteste pas par rapport à leur nationalité, on ne les déteste pas par rapport à l'endroit où ils vivent ou quoi que ce soit de ces choses-là. On les déteste uniquement à cause de leur aqidah. Et c'est ça la signification de Al-Wala wal-Bara. Et le Cheikh il dit, donc المؤمن عدو للكافر لأنه عدو لله ولو كان أقرب قريب إليه ما دام أنه عدو لله فإنه عدونا والله تعالى يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وإلا تفعلوا بمعنى إلا تتخذوا المؤمنين أولياء والكفار أعداء تكن فتنة في الأرض بمعنى أن الحق يلتبس بالباطل وأن الكفار يختلطون بالمسلمين ويحصل بذلك فتنة في العقائد فقد يتأثر المسلم والمؤمن بعقائد الكفار فتسري إليه فهذه فتنة وفساد كبير إذا زال الفارق بين المؤمنين والكفار حصل اختلاط الكفار بالمؤمنين إلى غير ذلك من المفاسد فالمحبة والبغض يكونان من أجل الإيمان والكفر لا غير. Donc le Cheikh explique les versets dans lesquels il dit, par exemple, le verset 73 dans Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont cru et qui ont fait la hijra et qui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, ceux et qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont supporté, alors ils sont les alliés les uns des autres. Et il dit jusqu'à le verset 73 par la suite, 72 après c'est 73, et ceux qui ont mécru sont alliés les uns des autres, les koufars sont alliés les uns des autres. Et ça vous le voyez aujourd'hui, les juifs sont les alliés des chrétiens, les chrétiens sont les alliés des juifs, les athées et les kuffars entre eux, ils sont tous des awliya et des alliés. Et ils s'aiment dans leur kuffre, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur kuffre, ils sont contre eux. Hein, ils sont contre les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, comme ils sont tous contre les musulmans. Hein, et eux-mêmes, ils font le takfir des musulmans. Hein, pour eux, on est des kuffars. Hein, et donc ça c'est une réalité. Et le cheikh il dit donc ils sont les alliés les uns des autres, et si vous ne faites pas ça, alors il y aura une fitna sur la terre et une grande corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous prenez pas les croyants pour des alliés et les kuffars pour des ennemis, il y aura sur la terre une fitna, dans le sens que la vérité et le faux vont être mélangés ensemble, et les kuffars vont se mélanger aux musulmans, et il va y avoir une fitna dans la croyance par la suite, parce que les gens vont plus faire de distinction entre le musulman et le non-musulman. Tout le monde est mélangé, et c'est ça qui se passe parfois même ici et ailleurs dans des pays non-musulmans. Tu vois des musulmans, tu peux même pas savoir si ce sont des musulmans, parce que ils sont devenus pareils. Et donc le cheikh il dit quand ça arrive à ce point-là, eh bien ça découle même par la suite sur la croyance. Et tu vois que ça affecte ceux qui se disent musulmans par la suite, ça les affecte jusqu'à ce qu'ils deviennent parfois comme des kuffars, même dans leur croyance aussi. Et donc ça c'est un grand problème et un grand désordre, hein, le mélange entre les croyants et les mécréants, et ça amène beaucoup de mal dans la société par la suite. Et le cheikh il termine en disant « بأن تحب المحبة والبغض لا يكونان من أجل أمور الدنيا بأن تحب الإنسان من أجل طمع الدنيا دون نظر إلى دينه أو بغضه إلى أجل من أجل طمع الدنيا أو بغضه من أجل طمع الدنيا إذا لم تحصل منه على شيء لا لأجل معصية الله أو لا من أجل معصيته لله فإن هذا علامة النفاق. Ce passage là c'est très important. Le cheikh il dit que l'amour et la haine, ça ne doit pas être pour les choses de la dunya. Ok? Et ça veut dire que si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas l'aimer uniquement pour des choses de la dunya, sans regarder sa religion. Et si tu détestes quelqu'un, tu ne dois pas non plus le détester uniquement pour des choses de la dunya. Que si tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux d'une personne, tu le détestes pour les choses de la dunya, et non pas pour sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est un signe d'hypocrisie. Et ça c'est un problème à l'époque actuelle, et même depuis toujours, mais à l'époque actuelle encore plus, comme on a mentionné tout à l'heure, comment les gens jugent entre eux, et comment ils déterminent qui ils aiment et qui ils n'aiment pas. Donc si quelqu'un par exemple, tu as un intérêt avec lui dans les choses de la dunya, tu vas l'aimer, même si c'est un mushrik ou un kafir. Et le mu'min, tu vas le kafir par exemple, tu vas le détester, non pas par rapport à son kufr et à sa mécréance, mais à cause de quelque chose que tu n'as pas eu de lui, que tu voulais. Quand il ne te donne pas ce que tu veux, tu le détestes, non pas à cause de son péché, non pas à cause de sa mécréance, non pas à cause de son shirk, mais à cause de la chose que tu n'as pas eu de tes intérêts, de la dunya. Et dans le fait que tu l'aimes pas par rapport à sa mécréance, à son égarement, tu l'aimes pas par rapport à, c'est-à-dire, comme le cheikh il dit, tu l'aimes par rapport à un intérêt de la dunya, et tu ne prends aucune considération de sa religion, qu'est-ce qu'il croit, c'est quoi sa aqidah, même s'il fait le shirk ou le kufr, tu ne prends pas ça en considération. Donc ça c'est un problème. Et le cheikh il dit وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ. Donc ça c'est un signe d'hypocrisie, et c'est un signe de la faiblesse de sa foi. Il dit وَلِذَلِكَ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُؤَاخَاتِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا أي أن هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى بل يضره فلا يجوز لمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن إذا كان بينه وبينه شيء من سوء التفاهم أو الخصومة ولا يجوز أن يبغضه ولا أن يهجره من أجل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فلا يجوز التهاجر بين المسلمين نعم النزاع يسوى والخلاف يفصل فيه على مقتضى شرع الله سبحانه وتعالى ولكن تبقى محبة القلوب ومحبة الإيمان ولا يزحزحهما شيء من أسماء الدنيا donc on va terminer avec ça. Le Cheikh il dit que ça c'est un signe de la faiblesse de la foi, que tu aimes des gens par rapport à la dunya, que tu les détestes uniquement par rapport à la dunya, sans prendre la croyance en considération. Il dit que Abdullah ibn Abbas a dit, la plupart des fraternités qui existent entre les hommes aujourd'hui sont pour les affaires de la dunya, et ça, ça ne sert à rien. Ça ne va amener aucun bienfait à ceux qui agissent de cette manière. Parce que le cheikh il dit, au jour de la résurrection, ça ne va rien t'amener de bien cette chose-là. Hein? Et au contraire, ça va te nuire. Le cheikh il dit, parce que ce n'est pas permis au croyant de détester son frère qui est croyant comme lui, parce qu'il y a un malentendu entre lui et son frère, ou une dispute entre lui et son frère, pour des choses de la dunya, ou des choses futiles dans les choses de la vie. Et c'est pas permis pour le musulman de détester son frère musulman et de s'écarter de lui, et de ne plus lui adresser la parole. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis aux croyants de boycotter ou de s'écarter de son frère pour plus de 3 jours. Ça c'est dans les disputes et dans les problèmes qui existent entre les croyants dans les affaires de la dunya. Si tu as un problème avec un frère, tu le vois, tu lui donnes pas le salam parce que tu es fâché contre lui, après 3 jours, ça devient haram de faire ça et tu dois te réconcilier avec lui. Sauf pour des questions qui ont rapport avec le tawhid ou l'aqida ou le din ou la sunna, des questions de sunna et bid'a, questions de aqida, de religion, ça peut dépasser 3 jours dans des situations pareilles jusqu'à ce que la personne se repente. Mais dans les questions de la dunya, tu ne peux pas dépasser plus que 3 jours à être fâché contre ton frère. Et donc ce n'est pas permis que les musulmans se boycottent de cette manière ou se coupent les liens les uns les autres. Et il faut bien entendu régler les différences, régler les problèmes selon le Coran et la Sunna, mais il faut toujours qu'il y ait au fond l'amour, et l'amour qui est basé sur la foi et l'amour qui est entre les croyants. C'est-à-dire même si tu as des conflits, des disputes avec ton frère musulman, au fond de ton cœur tu dois toujours te rappeler que c'est ton frère et que tu l'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous avez des différends ou des disputes entre vous, et les conflits ou les problèmes de la dunya, ça ne doit pas vous amener à vous déchirer les uns les autres et à vous diviser les uns les autres. D'accord? On aurait pu élaborer encore plus là-dessus, mais étant donné que yani, le temps passe et puis que yani, on doit bien entendu, il est tard et tout, donc inshallah on va s'arrêter pour l'instant, inshallah, puis si on aura l'occasion, inshallah, demain de rajouter des détails là-dessus ou bien de parler d'un autre sujet, on le fera. C'est un sujet très long, très compliqué aussi, qui demande beaucoup de détails, d'explications, mais bon, on espère qu'avec le petit peu qu'on a fait comme explication aujourd'hui, que ça a réussi à clarifier certains points pour nous. Et puis on continuera donc comme on a dit plus tard, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.